Merci, merci d'être ici à l'écoute de Scargo Culte, que j'aime tout particulièrement. Bon, je les aime tous, hein. Mais voilà, retour à du féminin, de l'ultra féminin. Le disque que vous allez écouter aujourd'hui a mis en émoi plusieurs générations. Je ne fais peut-être pas partie de la première, mais probablement de la deuxième, qu'il découvre dans les années 80. Le disque, lui, paraît en 1975, Nasty Girl, par Bette Davis. Nasty Girl, voilà. Déjà, tout est dit. Et Bette Davis, bah écoutez, c'est de l'émotion pure. Mais attention, c'est du salace. Et ça lui jouera des tours. On va rentrer en plein la mythologie du funk, d'un funk noir exacerbé, ultra sexualisé, groovy à outrance. Bombastic funk avec bombasse. Et croyez-moi, c'est du régal, du vrai régal. Personnage extraordinaire qui est Bette Davis. Et autant que je vous le donne tout de suite, elle doit son nom de famille à un Davis colossal. Parce qu'elle a été la femme de Miles Davis. Une union ultra courte, mais en même temps totalement essentielle, aussi bien pour elle que pour lui d'ailleurs. Mais qui elle est, cette femme? Alors qui elle est, la Bette Davis? Sa carrière, elle est très fulgurante. Hein. C'est 3 albums sur 3 ans et plus rien. Mais attention, Bette Davis, elle ne vient pas de rien. Alors petit retour biographique, et puis finalement, avant même de se lancer dans cette retour biographique et arriver à l'année qui nous intéresse, 1975, chaud. Bah, on va commencer par un de mes jeux préférés dans Cargo Cult. C'est-à-dire commencer par regarder la pochette. Alors là, côté pochette, tout va bien. Nasty Girl, avec un titre que je ne vais même pas prendre la peine de traduire, se devait d'avoir une illustration photographique, au moins au niveau du titre. Et en guise de pochette, en guise de photo, on y voit la sublime Bette Davis, habillée en petite tenue, quoi. Elle est en lingerie fine et plateforme boot, les jambes ultra écartées, dans une position offerte et sexy à outrance. Et croyez-moi que, juste ici d'euphémisme, parce que le comportement à la fois en pochette, à la fois en concert de Bette Davis dans ces années-là a été jugé d'une vulgarité inouïe. La musique elle-même est vulgaire. Et le funk, en fait, prêche le vulgaire d'une certaine manière. Mais il le fait avec une élégance parfois sublime. Et croyez-moi qu'ici, ce que vous allez entendre dans le genre est du top niveau. Donc oui, la Bette Davis, elle est à croquer. Elle est bien avant les divas R&B sexualisées d'aujourd'hui, une créature ultra sulfureuse, mais en plus avec une aura politique Black Panthers qui ajoute largement d'intérêt à la cause. C'est un destin assez hors pair, hein, que celui de Bette Davis, Betty Mabry à l'origine. Provinciale, hein, de la Caroline du Nord, mais elle s'installe vite à New York à l'âge de 16 ans, hein, toute jeune. Elle y est pour suivre des études de mode, mais très vite, elle va devenir mannequin. Et attention, un mannequin international. Ça va être la première top modèle, en fait, noire, qui va venir défiler en Europe, toute fin des années 60. Et oui, rendez-vous compte. Attention, au niveau de la libération afro-américaine, on n'est encore qu'au tout début. Et Elle est une muse immédiate, quoi. Une égérie du tout New York, et spécialement la scène black, quoi, qui est absolument énorme, qui converge à New York, mais il y a aussi la scène black de l'extérieur qui va converger là-bas. Par exemple, elle est très très proche de Sly Stone, Sly and the Family Stone, célèbre. Hein. Ils ont fait Woodstock, ils ont campé une espèce de funk un peu dopé au rock, un peu de psychédélisme dans le funk qui a été salutaire. Quand même Sly Stone vient de San Francisco, il y a des connexions permanentes comme ça avec Bette Davis. Jimi Hendrix, c'est la grande copine de Jimi Hendrix. Voilà. Et puis, cette Black Panther Woman, c'est une jolie définition. Black Panther Woman, c'est Carlos Santana qui l'a appelée comme ça. Était prise de poésie. C'est en même temps, c'est très étonnant. C'est une littéraire. Elle est complètement éprise de poésie. Et elle écrit des chansons extrêmement jeunes. Et en 1966, elle va notamment écrire une chanson qui est en fait un tube formidable qui va lancer la carrière d'un groupe très important aussi, c'est les Chambers Brothers. Et cette chanson-là, de 66, c'est Uptown. Uptown in Harlem, entre parenthèses. Donc tout est dit, attention, on est dans une expression noire, on est dans de la revendication. Et ma foi, dans la foulée, parce que cette femme belle, pas encore sulfureuse, mais désirable comme une meringue à la réglisse, elle va croiser Miles Davis en 1967, c'est l'amour fou, et il s'épouse en 1968. Donc Betty Davis, officiellement en 1968, a 23 ans. Miles lui a 20 ans de plus, quand même. Voilà. Et le mariage est fulgurant, très mouvementé, dure un an à peine. Un an. Bon, l'histoire après coup dira d'ailleurs que Miles Davis battait sa femme. Voilà. Mais cette union, quoique éphémère, quoique exaltée, quoique violente, va vraiment marquer l'histoire. Et l'histoire musicale avec un grand M. Elle va marquer les deux artistes, mais elle va marquer le reste. Du côté de Miles Davis, cette rencontre, elle est essentielle. Miles Davis, il va passer du hard bop à ce qu'on n'appelle pas encore du jazz rock, ou encore un jazz funk, qui est complètement influencé par elle. Il y a cet album de transition de Miles Davis avant sa période strictement électrique qui s'appelle Les filles de Kilimanjaro. Et en fait, la pochette du disque, un petit peu abstraite, repose sur un collage de plusieurs photographies de Betty Davis, de plusieurs photographies de Betty Marbury, parce qu'à l'époque où sort le disque, elle n'est pas encore Betty Davis. Ça vient juste ensuite. Et puis, on le sait, la carrière électrique de Miles Davis va véritablement commencer avec Beach is Blue. Et en fait, l'influence là de Betty Davis est assez forte. Elle aurait elle-même, d'ailleurs, Betty Davis, suggéré le titre Beach is Blue. Alors, titre très sulfureux, hein, qu'on pourrait traduire par jus de salope, quoi. Concoction de salope. Blue, hein, dans le sens brassé, quoi. Mais une traduction un peu littérale et hardcore à donner à ça, je pense que jus de salope, ça conviendrait assez bien. Alors, le ton est donné. Betty Davis est une créature qui, avant même d'enregistrer son disque, est une star. Elle est déjà accomplie. Et quand elle va retrouver sa liberté, donc après cette petite année de mariage, elle va reprendre sa carrière de mannequin, toujours un mannequin international. Elle vivra un peu en Europe d'ailleurs, elle aura un appartement à Londres et elle évoluera entre Europe et USA fréquemment. C'est somme toute aux USA que va se faire vraiment sa carrière musicale et elle va former le groupe Funk House. Funk House, il n'est pas beau le titre. Et la grande aventure solo commence. Elle commence en 1973. Et trois disques jouissifs, je le répète, et pas même ce côté premier disque un peu balbutiant. Non, c'est trois disques, un, deux, trois, c'est un triptyque, c'est calé d'emblée. Le premier disque est probablement aussi fort que le troisième. J'ai une préférence pour le troisième et je justifierai assez vite pourquoi finalement, c'est celui qu'on a choisi aujourd'hui, mais ici, il n'est pas question de dire qu'il soit meilleur, il a juste peut-être un petit truc en plus et une ambiguïté qu'on soulignera tout à l'heure. Donc trois disques avec la crème de la crème du gros funk US, à commencer par en fait Larry Graham et les membres du groupe Graham Central Station. Larry Graham, c'est le bassiste funk par excellence. C'est quelqu'un qui joue avec Sly Stone au début et qui va vite quitter Sly Stone pour créer son propre groupe, hein, Graham Central Station. Et Larry Graham est surtout l'inventeur du slap, c'est-à-dire un code identitaire du funk majeur. Le slap, hein, pour rappel, c'est cette technique de corde de basse frappée et qui donne toute son expression au funk, une expression très rauque, On pourrait presque dire rock, d'ailleurs. Et Graham partira, d'ailleurs, dès le deuxième album. Non pas, d'ailleurs, fâché par, avec Betty Davis, mais lui va mener une carrière frontale assez importante. Mais par contre, les musiciens d'origine, certains resteront, et Funk House déparera pas. Donc, trois disques, un coup sur coup. Betty Davis, voilà, disque éponyme, le premier. They Say I'm Different, juste un an après. Et en 1975, voilà, nous y sommes, Nasty Girl. Nasty Girl qui s'écrit dans le jargon, dans le slang américain, c'est-à-dire G-A-L, Nasty Girl. Mais c'est bien sûr Nasty Girl. Voilà, alors trois albums, mais en fait, techniquement, il y en a un quatrième, juste après, en 1976, mais qui ne va pas paraître. Ou alors bien plus tard, la réédition viendra après les années 2000. Voilà. Donc retour à l'époque qui nous intéresse, retour au pinacle de ces trois années, l'année 1975. Betty Davis, elle contrôle tout. Elle a une image de guerrière funk, d'Amazon sexualisée noire. Sa musique est ultra expressive. Sa voix est un râle sexuel permanent. Et les textes sont hautement explicites. Getting kick-offed, having fun. Voilà, m'envoyer en l'air, avoir du fun. Vous pouvez traduire aussi par se faire baiser et décoller, quoi. Dans la chanson Nasty Girl, qui est le titre éponyme qui ouvre l'album, elle fait rimer bitch et witch. Voilà, salope et sorcière. Et à l'évidence, il faut le redire, mais en le soulignant même d'un trait très noir, quoi. Betty Davis anticipe complètement ce qui va être une attitude assez commune, finalement, et plutôt calculée, chez les divas R&B qui vont émerger 30 ans plus tard. Beyoncé, Rihanna, on peut en citer pas mal d'autres, mais Rihanna, c'est un bon exemple. Or, on sait très très bien que si Rihanna prend une pause suggestive aujourd'hui, et si elle choisit d'incarner un personnage de bitch pure, ça va faire le buzz, évidemment. Les médias vont s'emparer du truc, ça va décoller sur tous les réseaux sociaux. Chez Betty Davis, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Elle est beaucoup trop suggestive pour l'époque. Donc en fait, elle va être interdite de pas mal de radios. Plusieurs concerts vont être annulés. Et le pire, et ça c'est dur à admettre hier comme aujourd'hui, et peut-être plus encore aujourd'hui, c'est qu'elle va être fustigée au sein même de sa communauté, et notamment par le NAACP, le NAACP, acronyme bien connu du National Association for Advancement of Colored People, l'association pour le progrès des gens de couleur, qui était extrêmement influente hein, et qui a été fondamentale dans la progression des droits civiques afro-américains dans les années 60-70, mais qui conchit Betty Davis. Parce que Betty Davis, effectivement, c'est la bitch, c'est la salope, elle n'a pas un droit de parole. Bah, ça ne l'empêche pas de le prendre, ce droit, et d'en user. Maintenant, on va rentrer de plein pied dans le disque, avec une maestria, avec un talent. Waouh ! Ouais, c'est le mot du jour, hein. C'est waouh ! Sans détailler tous les disques de l'album, et puis vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit, il y a le titre Nasty Girl est extrêmement intéressant. On a un torrent de lave complètement continu dans cet album, il faut vous le dire. C'est du show, c'est du funk. Voilà, et d'ailleurs, elle dit pas funk, elle dit pas la funk, elle dit le funk. Funk, ça sonne comme fuck, quoi. Les titres disent tout. Nasty Girl. Talking trash, parler dégueulasse, quoi. Dedicated to the press, donc un titre qui effectivement renvoie la balle à la presse qui la conchit régulièrement. Et un autre titre sur lequel je vais pas m'éterniser, mais j'ai envie qu'on y vienne parce qu'il y a un titre qui est totalement prémonitoire qui s'appelle Funk. F-U-N-K. Il écrit façon acronyme comme ça, F-U-N-K. Et c'est la première fois qu'un titre va créer ce qui va devenir presque un genre en soi, c'est un name-dropping communautaire. Je m'explique. Tout le titre est en fait une succession des grands noms du funk. Stevie Wonder, Tina Turner, Larry Graham, Isaac Hayes, les OJs, Jimi Hendrix, Funkadelic, Aretha Franklin, et quelques autres, Des sacrés trucs. Il y a un rapprochement évident à faire avec un titre qui paraît la même année, et qui est aussi un titre porte-drapeau, finalement. C'est le disque de Parliament, et le titre phare le titre éponyme, pareil, de Parliament, Chocolate City, qui est, en fait, envisage la Maison Blanche qui devient la Maison Noire, voilà, avec Ike Turner, ministre du Trésor, Stevie Wonder à la culture, voilà. Il y a plus d'ironie, certainement, chez Parliament, groupe de George Clinton, hein, Parliament Funkadelic, on les a évoqués ici. Voilà, mais tout ça participe du même élan, hein, et on se situe exactement à la même époque. Et clin d'œil évident à faire avec un procédé donc, qui sera repris plus tard et notoirement, rappelez-vous, par Daft Punk sur leur premier album avec le titre « Teacher ». Ça reproduit exactement le même principe, hein, un name dropping. Bon, de quoi se faire légitimer dans la communauté, c'est parfait. Et puis bien sûr, rendre hommage à ses pairs ou rendre hommage à ses maîtres. Et là-dessus, le funk de Betty Davis est absolument tutélaire, quoi. C'est le premier du genre, c'est le premier aussi appuyé dans le genre. Voilà, sur ces points d'orgue, il y en a plein, hein, de ce torrent de lave continue. Et au milieu de ce chaudron ardent de cyprine et d'amour bouillonnant, une ballade, une petite perle presque abandonnée. You and I. Toi et moi. C'est une ballade totalement mielleuse, au-delà du sublime. Je vais pas dans l'euphémisme, hein, je veux dire, c'est une ballade qui va réunir Betty Davis et Miles Davis. Ça signe les retrouvailles. Le morceau est signé par eux deux. Et comble de luxe, le morceau est arrangé par Gil Evans. Gil Evans, c'est un très, très grand arrangeur de jazz. Dans les années 70, il est très présent, mais il est l'arrangeur tutélaire avec Miles Davis de Porgy and Bess ou Sketches of Spain. Voilà. Et c'est un de ces arrangeurs de jazz, pour ne pas dire l'un des seuls d'ailleurs, qui est très tôt saisi l'intérêt des humeurs psychédéliques. C'est quelqu'un notamment qui reprenait en big band, mais de façon extrêmement expérimentale, parfois, des titres de Jimi Hendrix. Et il était question d'ailleurs que les deux travaillent ensemble, mais évidemment la mort de Jimi Hendrix a empêché le projet. Alors voilà pour cette parenthèse de Gil Evans. Mais cette retrouvaille de Betty Davis et Miles Davis sur un seul morceau de 3 minutes 30 est absolument époustouflante. Frisson garanti, vrai titre d'amour et romantisme exacerbé à outrance. Au milieu d'un des disques les plus sexualisés, les plus sexy, les plus pornophiles presque, on pourrait dire, sortis à l'époque. Alors allons-y, hein, on va rentrer directement dedans. Vous êtes prévenus, Nasty Girl pour Nasty Boys et Nasty tout ce que vous voulez. Bonne écoute, on se retrouve dans 40 minutes. I'm gonna run it down. Tell them anything you want. To ride my broom, honey, I used to love it. Ooh, I used to love to ride the range with your bye-bye. To love. I'd scratch and bug and bye-bye. I used to love you. Oh, oh, when you did it, oh, turn my real gone. I didn't know you, I didn't love you, wow. But you know you lied, yes you did. I used to leave you hanging in the bed and buy your fingernails. I'll say why he want this nasty gal back again. So you can finish what you started. And I will wow, give it to wow, you, you can wow, have it, come wow, on, take it now. Talk trash to me. Baby, till my head flies. I'll talk trash to you. I'll talk trash to you, babe. I'll talk trash to you till your head flies. Shame. that you can't get into me. I don't care. Thank you. And it made me see I had an inner vision of a young man named Stevie. Stevie Wonder, Tina Turner, Al Green, and Peebles. They were born with it, and they're gonna leave here with it. That is why I want you to help me, nigga, now help me. Barry White, Larry Graham does it right. Isaac Hayes, y'all, the OJ singing. Some people got to have it. Some people are really needed now. Some we'll do anything for the love of that stuff called money now. I'm gonna tell ya about a man. He had a lot of feeling in his hands, and his name was Jimi Hendrix, y'all. Jimi Hendrix. Was his name? He can make that guitar walk. He can make that guitar talk now. He can make that guitar sing. Jimmy, yes, he could make it do anything he used to say. Is your best friend paranoia? stable, a 9-to-5 fella. Do you use a napkin at your dinner table? Aya, aya, aya. Do you lay him by the pegs? Tell me now! Do you lay him by the dozen? Or are you straighter? A little less jive. Are you easy to please? Can one lady satisfy ya? Aya, aya, aya. The dirty dozen. Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Having fun. Aya, aya, aya. Woo! A party! I love the party! Aya, aya, aya. Aya, aya, aya. Having fun. Aya, aya, aya. Pinky fingers. Aya, aya, aya. Ding, ding, dong. Aya, aya, aya. Having fun. Aya, aya, aya. Ding, ding, dong. I stick track all the time. All the time. All the shut off the light. Oh, just shut off the light now. I just shut off. This is it. Fuck y'all. This is it. Right here. Well, they can't do it for you no nastier than this. Give them some. This is it. And the band. Well, they can't run it to you no hipper than this. Feel my heart and mind being like him now, love. Get it, you can try. Lord have mercy. A good man. Hey, hey, stranger, I hear that they call you the Lone Ranger. They say you love to love in my sight. When I'm through with you, your rotten days will be over. Giddy, you can try. Lord have mercy. Quel final, quel final. The Lone Ranger, c'est le titre de psychédélisme funk soul très très nuancé qui conclut l'incroyable disque Nasty Girl donc de Bette Davis en 1975. Il faut se dire qu'en 1975, et c'est à peu vrai par la suite d'ailleurs, le funk c'est un truc de mec. Les femmes y ont le droit, certes, mais on va dire dans leur rôle de femme. On verrait pas Aretha Franklin dans ces zones-là. Alors peut-être plus facilement quelqu'un comme Tina Turner, par exemple. Tina Turner, elle est d'ailleurs citée dans le titre Funk, F-U-N-K, qui ouvre la deuxième phase de cet album. On l'écoutait il y a 20 minutes. Et certes, mais bon, d'abord, faut voir que Tina Turner, qui est effectivement un peu comme Betty Davis, c'est une espèce de panthère noire feulante, très sexy, était d'abord associée à son mari, Ike, qui était un peu maître à bord, et puis finalement plus rattachée au continent soul qu'au continent funk. Bon, on a conscience que les deux continents ont quand même des connexions majeures l'un avec l'autre, ça c'est même plus à démontrer. Mais bon, ce gros funk jouissif, slappé à coups de basse qui tape, etc., c'est un truc couillu de mal, quoi. Et finalement, qu'à ce jeu-là, une femme ait été, autant le dire, damer le pion à un univers typiquement masculin, c'est absolument remarquable. C'est absolument remarquable. Et ça fait de Betty Davis un personnage probablement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe qu'on croit. Bon, malgré tout ça, parce qu'il y avait une aura très forte chez Betty Davis, mais ne mentons pas, au niveau commercial, c'est un flop. Les disques ne se vendent pas. Autant et si bien que le quatrième disque qui est mis en boîte l'année suivante, Island va refuser de le sortir. Même Island qui passait au milieu des années 70 comme la maison de disques intelligente, capable de prendre des risques et puis investir sur la longue sur des artistes. Ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et Betty Davis va quand même continuer à faire des sessions, mais tout ça va s'effilocher finalement et finir mal. Une dernière session d'enregistrement qui reste inédite, date de 1979, elle n'aboutit pas. Et après ça, Betty Davis disparaît. Elle disparaît complètement de la scène musicale. Mais disparition au sens propre. Elle s'évapore. Et en fait, personne ne sait où elle est. Et personne ne sait où elle est jusqu'à il y a assez peu. Il se trouve qu'on voyait l'année dernière, peut-être que plusieurs auditeurs parmi vous auront remarqué sur Arte ce film qui allait s'enquêter justement de Betty Davis. Betty Davis, la reine du funk. C'était un film, un documentaire par un duo de réalisateurs, Phil Cox et Damon Smith, qui a été la chercher et la retrouver. Recluse, le mot n'est pas trop fort, recluse, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et le film, qui fait preuve d'un courage formidable, s'avère décevant parce qu'il rate son propos. Il n'arrive pas à nous remettre. Il retrouve la reine, mais la reine reste muette. Ou quasiment. Mais le courage du film et puis l'émotion qui s'en dégage, c'est finalement de nous montrer que cette attitude de rebelle, Black Panther, hypersexualisée, c'était un costume, c'était un déguisement qui cachait finalement une artiste hypersensible, baignée de poésie et clairement en avance sur son temps. Avec ce paradoxe qu'il faut souligner, c'est-à-dire que c'est Betty Davis elle-même qui a composé son propre personnage. Ce n'est pas un coup du maison de disque qui va sortir un truc chaud, parce qu'elle sait que ça sort au bon moment. Non, c'est entièrement auto-composé, c'est entièrement auto-géré. Et comme je le disais, ça prend là aussi pas mal d'avance sur ce que développeront après les musiques R&B actuellement, finalement. Il y a dans ce film, d'ailleurs, une scène qui est très touchante, elle est simple, hein, elle est très simple. Elle montre elle met en scène une conversation téléphonique entre Betty Davis et les musiciens de Funk House, qui sont sans nouvelles d'elle aussi. Donc là, il y a le coup de fil et émotion, absolument. Et on ne la verra toujours pas, hein, d'ailleurs, Betty Davis, dans le film. Elle refuse de se montrer. Il y a un plan un peu hasardeux sur une main. Voilà, on entend sa voix, mais très parcimonieusement. Donc rare, et du coup d'autant plus précieuse. Voilà. Donc, il faut aussi, revenons en arrière, revenir sur une époque où, bon, on a compris qu'elle est brisée par l'industrie du disque, Betty Davis. Mais rappelons-nous aussi de problèmes familiaux juste énormes. C'est-à-dire que l'après Miles Davis a été au niveau familial, une source de problèmes incroyables. Miles Davis battait sa femme, 20 ans plus âgée qu'elle, et après le divorce, Miles Davis dira « Bon, elle était trop sauvage pour moi. » Waouh ! C'est bien à propos de mec, ça. Voilà. La sauvageonne, oui, elle a fini recluse. Alors, elle est toujours vivante. Il est peu probable qu'elle réapparaisse. Les hommages qui ont été faits à son propos sont extrêmement tardifs. Ça arrive dans les années 2000. Le premier best-of qui va paraître d'elle, qui s'appelle Anti-Love, bah, doit son nom en fait à une des chansons fortes hein, de Betty Davis. Alors quand apparaîtra ce truc en 95, on se dit waouh, il était temps quand même. Ça fait 20 ans qu'il fallait en parler quoi. Et Anti-Love Song, c'est une chanson avec laquelle je propose qu'on s'évade maintenant. C'est l'antidote de You and I, donc cette fameuse ballade, que je remettrai d'ailleurs aussi dans la foulée, j'y tiens, parce que cette ballade est extrêmement courte, elle fait 2 minutes 50, qui signe très provisoirement sur ce disque qu'on écoutait aujourd'hui, donc Nasty Girl en 75, les retrouvailles, au moins musicales, mais peut-être plus, entre Miles Davis et Betty Davis, une ballade nectar, hein, elle est absolument sublime. Et effectivement, une song tellement sentimentale qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on s'attendait et ce à quoi on s'était habitué avec Betty Davis. Et Anti-Love Song, c'est la chanson qui justement marque le début de Betty Davis dans cette niaque comme ça, très sexualisée. La chanson a aussi l'intérêt de montrer le groupe d'origine, Funk House, donc avec Larry Graham qui est là. Il apparaît sur le premier disque. Et vous allez voir avec quelle efficacité la basse de Larry Graham donne au morceau toute son ampleur. Quoi. C'est remarquable. Autant le dire, c'est une leçon de funk. Donc, bienvenue dans ce minimalisme exacerbé et funky comme on l'aime. Bonne écoute. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. To my heart, you'd scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Control it, don't you? that make you drop your guard. Trying not to be a child.